بسم الله الرحمن الرحيم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى Et la preuve que l'espoir d'être récompensé, la peur d'être châtié et l'humilité sont des formes d'adoration. Et la parole suivante d'Allah, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدُعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ce qui signifie, ils s'empressaient d'accomplir de bonnes actions. Ils nous invoquaient dans l'espoir de nos récompenses et dans la peur de notre châtiment. Ils nous étaient totalement dévoués avec humilité. On voit ces trois adorations qui sont Ar-Rahba, c'est-à-dire l'espoir d'être récompensé, Ar-Rahba, la peur d'être châtié, et Al-Khushu', l'humilité. Qu'Allah les a rassemblés dans un seul et même verset. Ar-Rahba, il dit, c'est kathratul iqbal ala Allah, wa sa'atul iqbali ala Allah. Il dit le fait de beaucoup de vouloir la récompense d'Allah et de beaucoup aller vers Allah. Toutes ces choses-là sont du tawhid. Quand cela devient-il du shirk? Quand il dit متى يكون الرغبة شركا تكون إذا أكثر إقبال على شخص معين في قضاء الحوائج المحبوبة فهذا يعتبر شركا أكبر مثال الذي يتردد على القبور ويقبل عليها إذا انتابه شيء من الحوائج المحبوبة فهذا يكون عبادة من دون الله كالذي يكثر طلاب حوائجه من الموتى من الجن والجمادات عفوا سواء فيما لا يقدر عليه إلا الله أو غير ذلك. Il dit, lorsque la personne va souvent vers Allah, Azzawajal, cela est du tawhid. Et lorsque la personne se tourne vers un autre qu'Allah et espère la récompense, et espère que ses besoins vont être donnés, vont être, que ses désirs vont être comblés par cette personne, tout cela est du shirk. Al-Khushu', Al-Rahba, pardon. Bon, je n'ai pas Ar-Rahba dans la parole de Cheikh Ali Khouder. On va passer au Khushu'. En ce qui concerne le Khushu', l'humilité, comment on voit le Khushu'? Le Khushu' bima'na al-sukun wal-hudu fil-qalb wal-jawarih wa fil-saut wa fil-nazar wal-mashi ay sukun al-jawarih. L'humilité se voit par le fait que la personne soit dans un état de tranquillité et d'humilité, qu'il soit ça se voit sur ses membres et ça se voit dans sa voix et aussi dans sa manière de regarder, dans sa façon de marcher. Tout cela se voit, l'humilité. Mata yakunu al-khushu' ibada. Quand le khushu', l'humilité devient une adoration. Idha waqafa amama Allah sakinan hadian fil jawarih fa innahu hadha yusamma khushu'an wa li hadha fal musalli khashi' fil hay'a. Il dit, si la personne se tient devant Allah en état de tranquillité, en état d'humilité, par les membres, tout cela, c'est ce qu'on appelle du khushu'. Le khushu' même apparent. Fa'innahu yaqif. Il dit, le meilleur exemple, c'est le prieur dans la salat. Il est en état d'humilité devant son Seigneur. Fa'innahu yaqifu fi salat. Muta'ti'a ra's. Il dit, il se place devant la salat, en baissant la tête. Yanzur ila makan sujudi. En regardant l'endroit, il va se prosterner. Wa hadha khushu'. Il dit, cela, c'est du khushu'. متى يكون الخشوع شركا؟ إذا كان الخشوع تدل الشرك. إذا وقف أمام قبر أو شخص هذه الحركات ساكن الجوارح فهذا خشوع. إذا si jamais la personne se place devant une tombe en ayant cette humilité là, ou devant même une personne en ayant cette humilité là, en ayant les membres comme en état d'humilité, vraiment en état de tranquillité totale. Il dit وإن لم يطلب منه شيئا même s'il ne demande rien à cette tombe par exemple هذا وهو من الشرك الأكبر cela est du shirk akbar. Il a aussi cité ومثله لو مشى إلى قبر ولي من الأولياء هادئ الجوارح ساكن القلب هذه عبادة الخشوع ولذا نجد عباد القبور عند قبورهم هادئين ساكنين. Il dit, on voit que les adorateurs des tombes, devant les tombes de leurs idoles, sont de cette manière-là, en toute humilité. On voit l'humilité sur eux. وَمِثْلُهُ الْمُرِيدُ وَالصُّوفِ أَمَامَ شَيْخِهِ تَجِيدُهُ هَادِيًا مُطَعْتِئَ الرَّأْسِ سَاكِنُ الْجَوَارِحِ مَعَمَا فِي قَلْبِهِ مِنْ خُشُوعِ. Il dit de même, l'élève soufi devant son maître, devant son cheikh, tu le trouves dans le même état. Ça a été cité par Ibn al-Qayyim, on pourrait citer dans Zad al-Ma'ad, dans d'autres livres, et dans Madarij al-Salikin. Il a cité cette chose-là, que les soufis devant leur cheikh baissent la tête, que certains font le repentir à leur cheikh et se rasent la tête devant leur cheikh pour leur montrer leur repentir et leur entrée dans la tariqa. Toutes ces choses-là sont des adorations. Nous, c'est quand qu'on se rase la tête? On se rase la tête lorsque Allah nous l'ordonne, lors du rite à la fin du pèlerinage. Et eux, ils se rasent la tête devant leur cheikh. Et ils se prosternent devant lui et ils s'inclinent devant lui. Tout cela, c'est des formes de shirk akbar qui montrent que dans leur cœur, ils ont aimé ces choses et ils les ont mis au niveau d'Allah. Azza wa Jal. Mais l'acte en lui-même suffit. Ensuite, il dit le Cheikh, وَدَلِلْ خَشْيَتِي قَوْلُهُ تَعَالَى, preuve que la crainte est une forme d'adoration, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi plutôt. On a déjà cité la crainte, la peur et la crainte, c'est des choses proches, donc on ne va pas développer plus que ça pour ces adorations. والدليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له والدليل استعانة إياك نعبد وإياك نستعين, la preuve que la demande d'aide est une forme d'adoration et la parole suivante d'Allah إياك نعبد وإياك نستعين, c'est toi seul que nous adorons, c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Également parmi les hadiths, وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله, tu demandes de l'aide, demande l'aide d'Allah. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس, la preuve que la demande de protection est une forme d'adoration sont les versets قل أعوذ برب الفلق, dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, et قل أعوذ برب الناس, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. ودليل الاستغاثة قوله تعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, et la preuve de la demande de secours est une forme d'adoration et la parole suivante d'Allah, ce qui signifie lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça. Toutes ces choses-là, al-isti'ana, al-isti'adha, al-istighatha, la demande de secours, la demande de protection et la demande d'aide font partie de l'invocation. Le cheikh, il les a détaillées, mais toutes rentrent dans l'invocation et rentrent dans ce qu'on vient de dire par rapport à l'invocation, avec des nuances fines entre tous. Mais l'essentiel, c'est que toutes ces choses rentrent dans les règles par rapport au tawhid et au shirk qu'on a cité précédemment, c'est-à-dire le fait de demander ces choses-là à un autre qu'Allah, dans une chose que seul Allah a la possibilité de te faire, a la possibilité de faire, et du shirk. Le fait de demander à un autre qu'Allah, aux morts ou aux absents, est aussi du shirk. S'il n'y a pas de moyens matériels, rationnels, pour atteindre ces personnes. Si c'est demandé dans une chose que l'homme a la possibilité de faire, de demander à une personne de l'aider à faire un travail ou n'importe quoi, bien sûr, ce n'est pas du shirk et ça fait partie des choses de tous les jours. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. La preuve que l'immolation est une forme d'adoration, c'est-à-dire le sacrifice, al-dhabh. Et la parole suivante d'Allah dit, ma prière, mes sacrifices, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des univers. La sharika la, il n'a nul associé. Et wa min sunnati fi al-hadith alladhi rawahu Muslim an Ali la'ana Allah man dhabha li ghayri Allah. Et également parmi la sunna dans le hadith qui est rapporté par Muslim selon Ali, Allah maudit quiconque immole une bête pour un autre qu'Allah, ou sacrifie une bête pour un autre qu'Allah. En ce qui concerne le verset, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, si vous cherchez le tafsir Ibn Kathir, je ne le trouve pas pour l'instant. On va s'attarder un peu sur la question du dhabh, car c'est quelque chose de très répandu. Ce qui concerne le fait de sacrifier pour d'autres qu'Allah, c'est quelque chose malheureusement de très répandu dans les terres qui étaient anciennement des terres d'islam et parmi les gens qui étaient qui se prétendent appartenir à l'islam. Alors à propos de ce verset, donc il dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ma prière, mes sacrifices, nusuki, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des univers, la sharika la. يقول ابن كثير رحمه الله يأمره تعالى يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله يذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك. Allah, le Très-Haut, ordonne, c'est-à-dire à son prophète, qu'il informe les mushrikines qui adorent d'autres qu'Allah et qui sacrifient au nom d'autres qu'Allah. أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ, qu'il s'oppose à eux en cela. فَإِنَّا صَلَاتَهُ لِلَّهِ, car sa prière est pour Allah. وَنُسُكَهُ عَلَىٰ إِسْمِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ, et son sacrifice, son immolation est en son nom, seul, sans associé. وَهَذَا قَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ, et ceci comme la parole du Très-Haut, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, alors prie pour ton Seigneur et sacrifie, en sourate al-Kawthar. أي أخلص له صلاتك وذبحك, et c'est-à-dire dans ce verset-là, consacre-lui exclusivement ta prière et ton sacrifice. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها, car certes les mushrikines, les idolâtres, adoraient les idoles, les statues, et ils sacrifiaient pour elles. فأمره الله تعالى بمخالفتهم, Allah a ordonné de s'opposer à eux. والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى, انتهى كلامه. Donc ça, c'est le tafsir d'Ibn Kathir de ce verset-là, qui montre que l'une des caractéristiques des mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'ils sacrifiaient pour d'autres qu'Allah, et ils sacrifiaient dans des noms, au nom d'autres qu'Allah, jalla wa ala. On le voit dans le verset, lorsque Allah a dit وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ, parmi ce qu'Allah nous a interdit, il y a وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ, le fait que ce qui a été sacrifié sur les pierres dressées. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال مجاهد وابن جريج كانت النصب حجارة حول الكعبة. مجاهد et ابن جريج, ils ont dit, les nusub étaient des pierres qui étaient autour de la Kaaba. قال ابن جريج وهي 360 نصبا. Il dit nusba. Il dit ابن جريج, elles étaient 360 idoles, ou c'est-à-dire ces pierres dressées. Il y en avait 360. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع. Donc Allah a interdit aux croyants de faire cet acte-là. وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب. Il dit, et il leur a interdit, Allah Azza wa Jal, de manger ces sacrifices qui ont été sacrifiés auprès de ces pierres dressées. Hatta walau kan yuzkaru alayhi ismallah fi adh-dhabh 'inda an-nusub. Il dit, même si c'est le nom d'Allah qui est prononcé auprès de ces pierres dressées-là. Fa huwa min ash-shirk alladhi harramahu Allah wa rasuluhu. Cela fait partie du shirk qu'Allah a interdit à son messager. Wa yanbaghi yuhmal hadha 'ala hadha. Tout cela dans tafsir Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala. Certains vont nous dire que lorsqu'ils sacrifient pour les tombes, lorsqu'ils sacrifient pour les djinns, en fait, ils sacrifient au nom d'Allah. Ce n'est pas vraiment pour se rapprocher de ces choses-là. Les ulama leur ont répondu. Et Shawkani, rahimahullah, dit dans sa risale Durr al-Nadid, fi ikhlas kalimat al-tawhid, qui est dans le recueil Ar-Rasail Salafiyya, il dit وَكَذَلِكَ النَّحْرِ لِلْأَمْوَاتِ عِبَادَةٌ لَهُمْ. Et de même, le fait de sacrifier pour les morts, c'est les adorer. Cela est une adoration pour eux. وَالنَّظْرَ لَهُمْ بِجُزْءٍ مِنَ الْمَالِ عِبَادَةٌ لَهُمْ. Et le fait de faire un vœu pieux d'une partie de l'argent pour eux est une adoration envers eux. Ensuite, il dit, ومن قال إنه لم يقصد بالدعاء الأموات والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم. Celui qui dit que par l'invocation des morts, ou le sacrifice pour les morts, ou le fait de faire des vœux pieux pour les morts, il n'a pas voulu les adorer, nous lui disons, فقل له, dis-lui, pardon, فلأي مقتضى صنعت هذا الصنع. Il dit, et pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu commis cette action? فإن دعاءك للميت عند نزول أمر بك لا يكون إلا لشيء في قلبك عبر عنه لسانك. Si tu invoques le mort lorsqu'il t'arrive une difficulté, ce n'est que parce que dans ton cœur il y a quelque chose qu'il y a quelque chose dans ton cœur et que ta langue a prononcé dans ce sens-là. Il dit فإن كنت تهدي وتهدي بذكر الأموات عند عرض الحاجات من دون اعتقاد منك لهم فأنت مصاب بعقلك. Il dit, si jamais lorsqu'il t'arrive une calamité, la première chose qui vient à ta langue, c'est le nom de ces morts-là, c'est qu'il y a dans ta raison quelque chose qui ne va pas. Il dit, et si jamais tu dis, je sacrifie pour Allah, et je fais des vœux pieux pour Allah, pourquoi as-tu amené ton sacrifice devant la tombe de ce mort-là? فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع الأرض وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا مقصد إلا لمقصد قد قصدته أو أمر قد أردته. Il dit cette phrase là, j'ai pas compris, je pense que soit c'est moi qui n'ai pas compris, soit c'est l'essentiel. Il dit la même chose. Il dit que si tu as fait cet acte là, c'est que dans tu as une intention et que le shirk est présent en toi. Le Cheikh Ali Khouder, dans ses explications, je ne me souviens plus si c'est dans l'explication de l'Usul al-Thalatha ou de la première Risala Majmu' al-Tawhid, parce que j'ai fait un copier-coller sur le fichier, donc je ne me souviens plus. Il dit الذبح اصطلاحا ذبح القرابين تقربا الى الله وتعظيما وتظللا بطريقه مخصوصه. Il dit le ذبح au niveau de la charia, c'est quoi? C'est le fait de sacrifier quelque chose pour se rapprocher d'Allah et en s'humiliant d'une manière donnée, c'est-à-dire d'une manière légiférée. On va la citer par la suite. متى يكون الذبح توحيدا؟ Quand le ذبح, le sacrifice, est-il le tawhid? إذا ذبح تعظيما لله وتقربا. Il dit s'il sacrifie pour se rapprocher d'Allah et pour honorer Allah, pour glorifier Allah. متى يكون الذبح لغير الله شركا؟ Quand le ذبح, le sacrifice pour un autre qu'Allah, est-il du shirk? إذا ذبح لغير الله تقربا وتعظيما ومعنى تقربا أي حتى ينفعه لجلب خير أو دفع شر. فهدفك من وراء الذبح له أن ينفعك دنيويا أو أخرويا ويدفع شرا أو آفة عنك. Il dit, c'est dans le cas où une personne sacrifie pour un autre qu'Allah en voulant se rapprocher et pour que lui provienne un bien ou qu'un mal s'en aille de lui. Voilà, donc il faut bien voir que l'acte apparent sur lequel on va le juger, qui est du shirk, c'est le sacrifice en lui-même. Mais cet acte apparent, il n'est arrivé que parce qu'il y a dans son cœur, il a glorifié cette personne-là et qu'il a voulu se rapprocher de lui. Donc il a sacrifié pour un autre qu'Allah. C'est ce qu'on appelle l'ilaqa bayn al-zahir wal-batin, le lien qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur, entre le cœur et les actes des membres. Il est impossible que le cœur soit rempli de la sérénité de la foi et que les actes des membres soient au contraire de la foi. Sauf si la personne est en état de contrainte. Là, dans ce cas-là, Allah Azzawajal, il a séparé entre l'intérieur et l'extérieur. Mais dans les autres cas, comme c'est établi dans le livre des Salaf et dans le livre d'Ibn Taymiyyah, dans Kitab al-Iman, al-Kabir ou al-Awsat, il a deux livres sur la foi, c'est al-ilaqa bayn al-zahir wa al-batin, le lien qu'il y a entre le cœur, les actes du cœur, et les actes des membres. Si l'un est saint, l'autre est saint. Si l'un est corrompu, l'autre est corrompu, forcément. Il donne des exemples. Il dit كالذبح للجن تخلص من شرهم أو لكي يساعدك على شيء في شيء ومثله الذبح للجن لفك السحر والعين. Il dit par exemple le fait de sacrifier pour les djinns, pour se protéger de leur mal, pour qu'ils l'aident. Ou par exemple le fait de sacrifier pour les djinns pour qu'ils annulent une sorcellerie ou un mauvais œil. Celui qui fait cela, il est un mushrik, shirk akbar. Il ne faut pas croire que cette chose-là, c'est des choses complètement théoriques ou anciennes ou quoi que ce soit. Ça arrive tous les jours. Et en France, les gens, certains gens qui viennent du bled, c'est des choses comme ça qu'ils font. Dès qu'ils ont un problème ou quoi que ce soit, c'est des dhabh pour les djinns, c'est des poules noires pour le wali untel, etc., etc. Donc toutes ces choses-là sont des choses présentes, qui sont présentes dans la communauté. Ces gens-là, des fois, ils prient avec nous dans les mosquées. S'il est advenu que ces gens, les gens font ces choses-là, ce sont des mouchriquins. Il est interdit de se marier avec eux, etc., etc. Quant à leur sacrifice, il est haram. Pour deux causes, a dit Cheikh l'Islam Taymiyyah dans le Salat al-Mustaqim. Premièrement, parce que c'est le sacrifice d'un apostat, et que la majorité des ulama, on va le détailler, inshallah plus tard, interdisent le sacrifice de l'apostat et du mouchrik, même si certains l'ont autorisé. Et le deuxième, là il y a unanimité à ma connaissance, il n'y a pas unanimité, il y a aussi divergence, mais l'avis le plus juste, c'est que lorsqu'une personne sacrifie pour un autre qu'Allah, il est interdit de manger la viande. C'est clairement exposé dans le Coran. Qu'il soit juif, chrétien ou mouchrik, quoi que ce soit, ce n'est pas un problème. Ensuite, il dit, la deuxième cause, al-dhabh ala atabat al-buyut, idha tamma bina'uha wa 'ind at-ta'sis al-bayt, likay yuslim min sharr al-jinn wal-hasad wal-'ayn wa mithlihi, wa al-dhabh 'an ta'sis ay shay ka hafr bi'r wa nahw dhalik. Il dit, le fait de sacrifier à l'entrée des maisons lorsqu'elles ont été construites, ou pour que les djinns ne fassent pas de mal, ou lorsqu'on occupe un appartement, ou pour protéger contre le mauvais œil, ou contre la jalousie, ou dans le cas, ou par exemple, tu donnes un exemple, le fait de creuser un puits ou quoi que ce soit. Toutes ces choses-là, c'est pareil. Ne pensons pas que ces choses-là, c'est des choses qu'on trouve que dans les livres de Tawhid, dans les commentaires de Kitab al-Tawhid, ou des choses comme ça. Non, ces choses-là, c'est des choses qui arrivent tous les jours. Beaucoup d'Algériens, de Marocains, de Mouchriquins parmi ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils prennent une maison, ils sacrifient pour les djinns, pour cette maison. Et c'est extrêmement répandu. Dans les bleds, et ceux qui ont émigré dans les pays occidentaux, ils le font aussi. Thalithan, le troisième cas, الذبح للأموات والأولياء على أضرحة قبورهم, إما تعظيما لهم أو إجلالا أو لكي ينفعوه في الدنيا أو في الآخرة, أما الذبح للأموات من باب الصدقة والأضحية, فهذا الذبح يقصد به إهداء الأجر لهم لا أن الذبح ذاته لهم. Il dit, le fait de sacrifier pour les morts, et pour les saints, pour les pieux, pour les awliya, auprès des constructions qui sont faites sur leur tombe, cela c'est du shirk akbar. Cela c'est aussi extrêmement répandu. Extrêmement répandu. Ils disent qu'en Égypte, sur la tombe de Badawi, les gens, ils consacrent, ils font comme les mouchriquins avant, ils consacrent une partie de leur troupeau, les paysans du Saïd, pour le Badawi. Une partie du troupeau est consacrée pour Al-Badawi. Donc c'est vraiment des actes qui étaient présents dans le Jahiliya, qui étaient présents à l'époque d'Abu Jahl ou d'Abu Lahab. C'était des choses qui étaient exactement la même religion. En Somalie, pareil, on a entendu des choses comme ça, pour les tombes de, plus comment ils s'appellent, Youssouf, ou je ne sais plus combien, ils ont un saint qu'ils appellent Youssouf, ou je ne sais plus quoi. L'essentiel, il est exactement les mêmes actes. Il dit, en ce qui concerne par contre le fait de sacrifier pour les morts, mais dans le sens de sacrifier un sacrifice, faire une sadaqa, et pour que la récompense de la sadaqa aille aux morts. Ça, bien sûr, ce n'est pas du shirk, puis c'est fait pour Allah. Ou quoi. Voilà. Il dit, ومن الشرك الأكبر الذبح ويذكر عليه غير اسم الله تعالى مثل قوله باسم الشعب أو باسم الملك أو باسم الأمة أو باسم المسيح. Il dit, parmi le shirk akbar, le fait de sacrifier en prononçant le nom d'un autre qu'Allah, comme le fait de dire au nom du peuple, au nom du roi, au nom de la communauté ou au nom du Messie. Toutes ces choses-là sont du shirk akbar. Il dit, mais la sourate taliya min al-dhabh tu'tabar ja'izatun li'annahu dhabhun lillah wa qasr ma'an ash-shar'iyya ja'iza. Il dit, en ce qui concerne le sacrifice qui est permis et qui est en accord avec les objectifs de la sharia, le premier, al-dhabh lid-duyuf ma bil karamati wad-diyafa, le fait de sacrifier un animal pour des invités. Thaniyan, al-dhabh lil-ahl min bab an-nafaqati 'alayhim, le fait de sacrifier pour la famille, dans le sens de les nourrir ou quoi que ce soit, ça bien sûr c'est permis. Il dit, troisièmement, le fait de sacrifier pour les parents, pour les proches, et pour leur donner la récompense de ce sacrifice-là. Il dit, ça aussi c'est permis. Le fait de sacrifier l'adahi, c'est-à-dire le jour de l'adha, le sacrifice du jour de l'adha, de l'Aïd al-Kabir. et deux, al-aqiqa, hein, pour la naissance de l'enfant. Ensuite, il dit, khamisan, ذبح الهدي وهو واجب على المتمتع والقارن والمقارن. Il dit cinquièmement, c'est le fait de sacrifier al-hadi pendant le hajj pour la personne qui est en état de tamattu ou en état de qiram. Et sadisan, ذبح الفداء على مرتكب المحظورات. Il dit pareil dans le hajj, le sixième, la personne qui, lorsqu'il a enfreint une des choses de l'ihram, il sacrifie. Pourquoi? Pour rattraper cette faute-là. Donc. As-Sam'ani, rahimahullah, qui est très connu pour son explication de Bulugh al-Maram qui s'appelle Subul al-Salam, il a aussi une risala dans le Tawhid. Il était à peu près à l'époque de Cheikh Mohammed al-Abdouhab qui s'appelle Tathir al-I'tiqad. Dit dans cette risala, en ce qui concerne ceux qui sacrifient pour d'autres qu'Allah, فَإِنْ قَالَ إِنَّمَا نَحَرْتُ لِلَّهِ وَذَكَرْتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. C'est pour ceux qui sacrifient près des tombes. Si il te dit, j'ai sacrifié pour Allah et j'ai dit le nom d'Allah lorsque j'ai sacrifié. فقل إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه. Il dit, si tu as sacrifié pour Allah, pourquoi as-tu amené ta bête au tombeau de celui que tu, en qui tu crois, en qui tu crois, تعتقد فيه, pour le sacrifier là-bas. هل أردت بذلك تعظيما؟ إن قال نعم فقل له هذا النحر لغير الله تعالى. Si tu lui demandes, est-ce que tu as voulu le glorifier, l'honorer par cela? Et s'il te dit oui, tu lui dis cela, c'est le sacrifice pour un autre Allah. بل أشركت مع الله تعالى غيره. Mais tu as associé à Allah un autre que lui. وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخلين إليه. Et il lui dit, et si tu n'as pas voulu le glorifier et qu'il est allé sacrifier près de la porte de cette tombe, qu'as-tu voulu? As-tu voulu salir la porte de la tombe? As-tu voulu rendre impur ce lieu-là en y versant du sang versé, qui est impur selon la majorité des ulémas? Anta ta'lamu yaqinan annaka ma aradta dhalika aslan. Tu sais pertinemment, certainement, que tu n'as pas voulu cela. Wa la aradta ila al-awwal, mais tu n'as voulu que le premier, c'est-à-dire glorifier le mort en sacrifiant pour lui. Wa la kharajta min baytika illa qasdan la. Et tu n'es sorti de ta maison qu'avec cette intention-là. Donc on voit que c'est clair, le fait de sacrifier pour un autre qu'Allah. Aujourd'hui, la choubha des mushrikines, l'ambiguïté des mushrikines et de ceux qui argumentent pour eux dans toutes les formes de shirk, et dans ces formes de shirk particulièrement, c'est que, un, ces gens-là, lorsqu'ils font cela, ils ne croient pas que ces morts ont la possibilité de leur profiter ou de leur nuire. Donc pour eux, le shirk, et c'est la croyance des Asha'ira particulièrement, comme quoi le shirk et le tawhid d'ailleurs, ce n'est que dans la seigneurie. Ils ne comprennent pas le tawhid dans l'adoration. Pour eux, le shirk, c'est quoi? C'est si la personne elle croit que cette chose-là crée ou donne la subsistance ou a le pouvoir de nuire ou de... Mais le simple fait de sacrifier pour un autre qu'Allah n'est pas du shirk et ne fait pas sortir l'islam. Ce qui est un égarement profond. On a démontré, on a montré les comment ça s'appelle, les preuves de tout cela. Et on a cité les paroles des ulama, Ibn Kathir, Al-Shawkani, etc. En ce qui concerne Zabh, on va le citer, Mimbab al-Fa'ida, comme on dit, les conditions du sacrifice pour qu'il soit accepté dans la charia. En fait, c'est du fiqh. Mais on va le citer quand même pour que ça soit, pour en profiter. Les conditions pour que le sacrifice soit conforme à la charia sont au nombre de 4. Shurut al-Dhabh 4. Les conditions sont au nombre de 4. أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء. Le premier, que celui qui sacrifie soit doué de raison et qu'il ait l'intention de sacrifier. Et tout cela c'est dans le livre Manar al-Sabil, Sharh Dalil al-Talib de Ibrahim Douayan, à la page 722 édition Al Maktab Al Islami, c'est un livre de fiqh qui est dans l'école Hanbalite et qui est étudié, qui est très étudié. Donc il dit فلا يباح ما ذكاه مجنون. Il n'est pas permis de manger ce que sacrifie un fou. أو طفل لم يميز, ou un enfant qui n'a pas encore, qui ne fait pas encore la différence, c'est-à-dire entre le bien et le mal, entre les choses. لأنهما لا قصد لهما, car ils n'ont pas d'intention. ولأن الزكاة أمر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل, car le sacrifice est quelque chose dans lequel rentre en ligne de compte la religion, donc rentre en ligne de compte la raison. فيحل ذكر الذبح الأنثى والجنوب. Il dit par contre, il est permis de manger le sacrifice de la femme et de la personne qui est en état d'impureté majeure. La preuve de cela, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari, selon Ka'b ibn Malik, an Abi, annahu kant lahu ghanamun tar'a bi sal'a, fa absarat jariyatun lana bi shatin min ghanamiha mawta, fa kasarat hajara fa dhabahatha bih. Comme quoi, un homme dit, nous avions un troupeau qui était dans tel endroit. Et il y a une jeune femme, une jaria, on peut même dire une jeune fille, qui a vu une brebis qui était en train de mourir. Elle a cassé une pierre et elle l'a sacrifiée. La personne a dit, فَقَالَ لَهُمْ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَمَرَ مَنْ يَسْأَلُهُ وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ. Il dit que personne n'en mange jusqu'à ce que je demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit que les sahaba et les salafs, ils avaient ce suivi là, c'est à dire qu'ils ne faisaient pas quelque chose sans savoir le jugement de la législation d'Allah azawajal sur telle chose. Donc ils ont envoyé quelqu'un au prophète, le prophète leur a répondu, leur a ordonné d'en manger. L'auteur il dit, dans ce hadith, il y a l'autorisation du sacrifice de la femme, de l'esclave, de la femme qui a ses règles et de celui qui est en état d'impureté majeure. لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ لَمْ يَسْتَفْصِلْ عَنْهَا. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé de détails. Il a dit manger. Elle aurait pu avoir ses règles. Elle aurait pu être en état d'impureté majeure. Elle était très certainement esclave parce qu'il a utilisé le mot jariya. Donc, voilà. وفي ايضا اذا اباحه الذبح بالحجر. Il dit, il y a dans ce hadith aussi le fait de sacrifier avec une pierre est permis. وما خف عليه الموت وحل ما يذبحه غير مالكه بغير اذن وغير ذلك. Il y a aussi la permission de quoi? De ceux dont on a peur qu'il meure. Si une bête on a peur qu'il meure, on a le droit de la sacrifier et de la manger. Il dit, ou le fait, la permission de sacrifier ce qu'on ne possède pas. Pourquoi? Parce que ce troupeau n'appartenait pas à cette jeune femme. Mais elle a quand même sacrifié sans la permission de celui. Bon, après, il lui a accepté cela. Donc c'est la preuve que c'est permis. Ibn al-Munzir, qui est un savant des salafs, il a dit « Ajma'u ala ibahati dhabihat al-mar'ati was-sabi ». Il dit, Ibn al-Munzir, il dit, ils sont unanimes sur la permission de manger les sacrifices de la femme et de l'enfant. والكتابي لقوله تعالى. Il dit donc, il faut que parmi les conditions, il faut que la personne soit douée de raison ou membre des gens du livre. Et il a cité le verset وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم, dans sourate Al-Maïda, le verset 5, et la nourriture des gens qui ont reçu le livre vous est permis. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. Ibn Abbas a dit dans le Bukhari, leur nourriture sont leurs sacrifices. C'est rapporté par Al-Bukhari 5608. Il dit, sauf illa al-murtad wal-majusi wal-wathani wal-druzi wal-nusayri. Il dit, sauf exception de quoi? Du murtad, de l'apostat. Du majusi, de celui qui adore le feu. Al-majusi. Wal-wathani, celui qui adore les idoles. Il rentre dedans les adorateurs des tombes. Ce sont des wathaniyyeh. Ou les adorateurs des constitutions, les démocrates, etc. Ou Druzi, il a cité la secte des Druzes, qui est une secte qui est très répandue au Liban et en Syrie. Ce sont des gens qui sont des bâtonniers, des gens qui adorent Ali, considèrent que c'est l'incarnation d'Allah, et qui annulent toute la législation islamique. Ou Nusayri, ce sont les gens qui gouvernent actuellement la Syrie, et qui croient que Ali aussi est une incarnation d'Allah. Et mafoumi qawlihi ta'ala, wa ta'amu alladhina utul kitaba, hilu lakum. Il dit, par la compréhension de la parole d'Allah, et la nourriture de ceux qui ont reçu le livre est permise pour vous. وإنما أخذت الجزية من المجوس لأن لهم شبهة كتاب. Donc ça c'est la vie, comment dire, majoritaire. La vie majoritaire. Certains ulémas ont même cité l'unanimité. Il faut le savoir. Certains salaf, par contre, et parmi les plus tard, parmi les savants, se sont opposés à cet avis-là. On va essayer de citer l'avis de Shawkani. En ce qui concerne la condition de l'islam et ou du fait d'être membre des gens du livre, pour dire que cela n'est pas une condition, selon Shawkani. Dans son livre Sayl al-Jarrar, à la page 711, édition d'Ar ibn Hazm, en un volume, al-Shawkani défend la vie comme quoi l'islam, ou même le fait d'être membre des gens du livre, c'est-à-dire la religion, n'est pas une condition pour la permission du sacrifice. Lorsqu'il dit إذا ذبح الكافر ذاكرا لاسم الله عز وجل غير ذابح لغير الله وأنهر الدم وفر الأدواج الأوداج فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذا الذبيحة الواقعة على هذه الصفة. Il dit, si jamais le mécréant sacrifie en prononçant le nom d'Allah sans prononcer le nom de notre Allah, fait couler le sang et coupe les veines, c'est-à-dire les conditions de dhabh qu'on va citer après, il n'y a pas de preuve qui montre que un tel sacrifice est interdit. Voilà, asihu l'istidlalu mithl qawlihi ta'ala 'azza wa jalla illa ma zakaytum li kawn al khitab fiha lil muslimin li'anna naqul al khitab fiha li kulli man yaslahu lil khitab faman za'ama an al kafir kharij 'an dhalik ba'da an dhabaha lillah wa sama fa ad-dalil 'alayh. Idi amma idha dhabaha al kafir li ghayri la fa hadhihi dhabihatu haram. Idi, par contre, si le kafir sacrifie pour un autre qu'Allah, cette dhabiha est haram. Il dit, wa law kanat min muslim, et même si cela provient d'un muslim, c'est-à-dire une personne qui était muslim, puis qui a sacrifié un truc à Allah, qui devient forcément mushrik. Wa hakada, idha dhabaha ghayra dhakirin lismillahi azza wa jal, fa inna ihmala tasmiyati minhu ka ihmali tasmiyati min al-muslim, haythu dhabaha jami'a lillahi azza wa jal. Il dit, de même si un kafir sacrifie sans prononcer le nom d'Allah, volontairement, là, ce sacrifice ne sera pas bon. Ensuite, il dit, وإذا عرفت هذا لا حلك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح لا على من قال بأنه لا يشترط. Il dit, si tu connais cela, ce qu'il vient de citer, la preuve à apporter, celui qui a apporté la preuve, c'est celui qui dit que l'islam est une condition pour le sacrifice. Celui-là, il doit apporter la preuve de cela. Pas celui qui dit que l'islam n'est pas une condition. C'est l'avis de Shawkani, on voulait le citer. Parmi les contemporains, c'est l'avis d'Abu Mohammed al-Maqdisi, par exemple. Il considère que même si une personne, du moment qu'il n'est pas connu pour sacrifier un autre qu'Allah, même si on connaît par exemple qu'il est murtad ou démocrate ou quoi que ce soit, et qu'il respecte les conditions du sacrifice, il est permis de manger sa viande. D'autres, parmi les contemporains, comme le Cheikh Abdel Qadr, l'auteur de Al-Jami' al-Talib al-Ilm al-Sharif, recueil sur la recherche de la noble science, il considère que non, il faut qu'il soit muslim, et que après il y a un tafsir sur un développement sur la question de, on pourra le citer par la suite dans le Jami', pour ceux qui considèrent que l'islam est une condition, est-ce qu'ils doivent savoir connaître la aqida de celui qui sacrifie pour eux, duquel ils mangent la viande. Et il y a une fatwa de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim qui est très connue, dans lequel il défend cet avis là on va citer la fatwa. Pour être complet, elle est citée dans le livre Aqidat al-Muwahhidin wa radd 'ala ad-dullal wal-mubtadi'in. Lorsqu'il dit Cheikh, la budda min sihhati mu'taqad al-mudhakki, il faut que la croyance de celui qui sacrifie soit saine. يشترط في القصاب فاضل الدين أن يكون مسلما صحيح المعتقد. Il dit, il est une condition pour le boucher un tel, il a cité son nom, qu'il soit musulman, ayant une croyance saine, yunkiru al-khurafat, qu'il renie les superstitions, ka ibadat al-qubur, comme l'adoration des tombes, wa ghayraha mimma yu'badu min dunillah, et d'autres choses que cela qui est adoré en dehors d'Allah, yunkir jami' al-mu'taqadat wal bid'a al-kufriyya, et qu'il renie toutes les croyances et les innovations de mécréance, comme mu'taqad al-qadianiyya والرافضة الوثنية وغيرها comme la croyance des Qadianites qui croient qu'il y a un prophète qui est venu après le prophète qui est une secte qui est en Inde et au Pakistan et qui considère que Ahmed Ghulam al-Qadiani était prophète après le prophète. C'est une personne qui est apparue au début du 20e siècle, fin 19e, début du 20e siècle en Inde, et qui a prétendu la prophétie. Et il y a une grande secte qui l'a suivi. Ils ont été financés par le gouvernement anglais et avec de nombreuses croyances, et ils ont des centres très importants, ils font une traduction du Coran, il faut faire très attention à eux. C'est des gens qui croient, après ils sont divisés en deux groupes. Un groupe qui continue à dire que Ahmed Ghulam Qadiani était un prophète, après le prophète Mohammed, et un groupe qui dit que non, il était juste Mahdi ou Mujaddid. Et ils sont kuffar tous les deux, parce qu'ils annulent des textes très clairs du Coran et de la Sunna, sont des sectes de mécréance. Celui qui doute de leur mécréance après la connaissance de leur état est lui aussi un kafir, parce qu'il n'y a aucun doute. Il dit et il cite aussi وَالرَّافِضَ الْشِيْتِ idolâtre وَغَيْرَ فَلَا يُكْتَفَى فِي حِلِّ ذَبِيحَتِي بِمُجَرَّدَ الْإِنْتِسَابِ لِلْإِسْلَامِ وَالنُّطْقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَفِعْلِ الصَّلَاتِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ. Il dit et il ne suffit pas pour que son sacrifice soit permis qu'il prétende appartenir à l'islam, ni qu'il prononce les deux témoignages, ni même qu'il accomplisse la salat ou d'autre que cela parmi les conditions d'islam, sans les conditions que nous avons citées. فإن كثيرا من الناس ينتسبون وينطقون بالشهادتين ويدون أركان الإسلام الظاهرة فلا يكفي بذلك في الحكم بإسلامهم. Il dit car beaucoup de gens prononcent les deux témoignages et accomplissent les cinq piliers de l'islam apparents et cela ne suffit pas pour que nous les jugeons musulmans. ولا تحل زكاتهم لشركهم بالله في العبادة. Et leurs sacrifices ne sont pas permis car ils associent Allah dans l'adoration en invoquant les prophètes et les pieux et d'autres que cela parmi les causes d'apostasie dans l'islam. Et cette différence que nous faisons entre ceux qui se prétendent appartenir à l'islam est une chose connue par les preuves du Coran, la sunna et l'unanimité des salaf de cette communauté. Ça c'est dans le livre Aqidat al-Muwahidin, Aqidat al-Muwahidin, la page 453. Bon, cette question-là, c'est une question de divergence. Celui qui prend un des deux avis sans se baser sur la passion, mais en se basant sur la preuve, on ne peut pas lui dire qu'il s'est égaré ou des choses comme ça ou quoi que ce soit. Et on ne peut pas non plus dire qu'il a de l'extrémisme dans le takfir ou quoi que ce soit. On vient de citer la parole d'un savant que tout le monde reconnaît, même les pseudo, même les Ahl al-Irja, c'est le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Donc voilà. Wa dalil nadhri est la preuve que le vœu est une forme d'adoration. Qawluhu ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils sont fidèles à leur vœu et ont peur d'un jour à venir durant lequel de grands malheurs se répandront. Donc ce verset-là, le verset 121 de Surat al-An'am, est une preuve que celui qui obéit qui que ce soit dans la législation et accepte de lui sa législation dehors de la législation d'Allah est un mouchrik. Le verset, nous le redisons, « وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ » Et ne mangez pas ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car cela est du fisq, est une perversité. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. Et certes, les démons révèlent à leurs alliés لِيُجَادِلُوكُمْ, de discuter avec vous, ou d'argumenter avec vous. وَإِنَّ طَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشِرْكُونَ. Et si vous leur obéissez, vous serez certes les mushrikoun. Ce verset-là, comme l'a expliqué Ibn Kathir dans son tafsir, il a dit لَمَّا نَزَلَتْ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا يُذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَسْرَتْ فَارِسِ إِلَى قُرَيْشِ أَنْ خَاصِمُوا مُحَمَّدًا وَقُولُوا لَهُ فَمَا تَذْبَحُ أَنْتَ بِيَدِكَ بِالسِّكِّينَ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا ذَبَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بشمشير من ذهب يعني الميتة فهو حرام فنزلت هذه الآية. Lorsque la première partie du verset et ne mangez pas sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé a été révélée, les Perses sont envoyés à Quraysh. Discutez avec Mohammed, argumentez avec Mohammed et dites-lui, ce que tu as sacrifié toi par ta main avec un couteau est halal, mais ce qu'Allah a tué, c'est-à-dire la bête trouvée morte, est haram, et Allah a fait descendre ce verset. Et donc ils ont dit, فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّ طَعْتُمُهُمْ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ وَهَذَا قَالَهُ مُجَاهِدُ وَالضَّحَّاكُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ. Ibn Kathir a dit, Allah a dit, et si vous leur obéissez, c'est-à-dire dans le fait de manger la bête trouvée morte, vous deviendrez des mushrikoun. قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنَّ طَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Et la parole du Très-Haut, si vous leur obéissez, vous deviendrez des mushrikoun. أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره. C'est-à-dire lorsque vous vous détournez de l'ordre d'Allah et de sa législation vers la parole d'un autre que lui, et que vous faites passer la parole d'un autre que lui devant la parole d'Allah, cela est le shirk. Car qawlihi ta'ala, comme la parole du Très-Haut, ittakhadhu ahbarahum wa rahbanahum arbab min dunillah, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah. Wa qad rawa at-Tirmidhi fi tafsirih an 'Adi ibn Hatim innahu qala ya rasul Allah ma 'abaduhum. Et il a été rapporté de Tirmidhi dans son tafsir que Adi ibn Hatim a dit au messager d'Allah, nous ne les adorons pas. فَقَالَ بَلَا إِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامُ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالُ فَاتَّبَعُوهُمْ فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ إِيَّاهُمْ. Si ils leur ont autorisé ce qui était interdit et ils leur ont interdit ce qui était autorisé, ils leur ont permis ce qui était interdit et ils leur ont interdit ce qui était autorisé et ils les ont suivis, cela est leur adoration. Donc le fait de suivre la législation de notre qu'Allah, c'est adorer à notre qu'Allah. Le fait de prendre comme voie la démocratie, ou d'accepter les lois de la République ou de n'importe quel endroit, en dehors des lois d'Allah Azza wa Jal, et de les faire passer avant, et d'accepter que le droit qu'un autre qu'Allah ait le droit de légiférer, tout cela est du shirk akbar, et la personne qui le fait est un mushrik. قال الشنقيطي في تفسير هذه الآية ومن هدي القرآن التي هي أقوى بيانه أن كل من اتبع تشريعا غير تشريع الذي جاء به سيد والد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج من الملة الإسلامية. Il dit le fait de suivre une législation autre que la législation avec laquelle est venu le maître des fils d'Adam Muhammad ibn Abdullah, le fait de suivre cette législation est une mécréance claire qui fait sortir de la religion islamique. ولما قال الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام الشاة تصبح ميتة من قتلها فقال لهم قتلها الله. Et lorsque les kuffar ont dit au prophète, la brebis qui est morte, qui l'a tuée? Ils lui diront, c'est Allah qui l'a tuée. فقالوا له ما ذبحتم بأيديكم حلال وما ذبح الله بيده الكريمة تقول إنه حرام. Ce qu'Allah a sacrifié par ses mains est halal. Ce que vous avez sacrifié par vos mains, pardon, est halal. Et ce qu'Allah a sacrifié par sa main noble est haram. فَأَنْتُمْ إِذَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ. Êtes-vous donc meilleur qu'Allah? Alors Allah a fait descendre ce verset. وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُفْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنَّ طَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك. C'est un serment d'Allah puissant et majestueux, ou majestueux et élevé. Il a juré que celui qui suit le shaitan dans le fait de rendre permis la bête trouvée morte est un mushrik. وهذا الشرك مخرج من الملة بإجماع المسلمين. Et ce shirk fait sortir de la religion à l'unanimité des musulmans. Et ensuite il dit, Shanqiti dans son tafsir al-Bayan, لأن طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته. Car l'obéissance du diable dans la législation qui s'oppose à la révélation est une adoration. Donc toute personne qui accepte de rendre qu'Allah le droit de légiférer a commis le shirk akbar. Et cela est une adoration. Et c'est extrêmement, comme tout le monde le sait, extrêmement répandu à notre époque. Hukam ou mahkoumi, parmi les gouverneurs et parmi les gouvernés. Pour finir, on peut citer une ambiguïté qui demanderait à être développée longuement, mais on va la citer de manière relativement résumée. Est-ce que si une personne associée à Allah donne une adoration à un autre qu'Allah, tout en étant ignorant, est-ce qu'il sera excusé par son ignorance? C'est la mas'ala, al-'udhr bil-jahl fi shirk al-akbar, l'excuse de l'ignorance dans le shirk akbar. Les ulama nous disent, déduisant du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a et de Ahl al-Haq, comme quoi l'ignorance n'est pas une excuse dans le tawhid. L'ignorance n'est pas une excuse dans le tawhid pour plusieurs raisons. La première, al-Mithaq, comme quoi Allah a pris le pacte des fils de Adam. Lorsqu'Allah a dit, Azza wa Jal, nous l'avons cité mais nous le recitons. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dans sourate Al-A'raf, le verset 172-174, ce qui signifie que quand ton Seigneur tira une descendance des rangs des fils de Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent, mais si, nous en témoignons. Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Ou que vous auriez dit tout simplement, nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? Et c'est ainsi que nous expliquons intelligemment les signes, peut-être reviendront-ils. وعن أنس رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك فأبيت إلا الشرك رواه مسلم. أنس rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Allah تبارك وتعالى dira le jour de la résurrection au celui qui sera le moins châtié parmi les gens du feu, à celui qui aura le moindre châtiment parmi les gens du feu, on lui dira, si tu avais toute la vie, toute la dunya, est-ce que tu le donnerais en rançon? Il dira, oui. Allah lui dira alors, j'ai voulu de toi ce qui est bien plus aisé que cela, alors que tu étais dans les reins de Adam. J'ai voulu de toi que tu n'associes rien et tu n'as fait que le shirk, rapporté par Muslim. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فأخذ منهم ميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Ibn Abbas nous explique le sens du verset. Il dit que certes Allah a pris des rangs d'Adam et a sorti toute sa descendance qu'il créera jusqu'au jour de la résurrection, et il a pris sur eux un pacte qu'il l'adore seul et qu'il n'associe rien à lui. La deuxième chose qui prouve que l'ignorance n'est pas une excuse dans le tawhid et dans le fait de commettre le shirk akbar. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah, Hanifan. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, la fitra. Pas de changement à la création d'Allah. Voilà la religion de droiture, mais la plupart des gens ne savent pas. Revenez repentant vers lui, craignez-le, accomplissez la salat et ne soyez pas parmi les mushrikines, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque partie exultant de ce qu'il détenait. Wa an Abi Hurayrata radiallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان متفق عليه. أبو هريرة rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit tout nouveau-né né sur la fitra, sur la nature originelle, c'est-à-dire sur l'islam, sur le tawhid, et ses parents en font un juif, un chrétien ou un mage. C'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Donc nous avons cité deux preuves, la preuve du mithaq, la preuve de l'fitra. Il y a de nombreuses preuves. La preuve que les mouchriquins, lorsqu'ils s'excusent devant Allah le jour de la résurrection, ils s'excusent par quoi? Ils s'excusent par le taqlid, qui est le plus haut niveau de l'ignorance, par le suivi aveugle. Inna wajadana abana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Nous avons certes suivi nos pères, trouvé nos pères sur une voie, et nous suivons leurs traces. Parmi les preuves du tawhid, le verset 165 du surat An-Nisa, Rusula mubashirina wa mundhirin, des messagers en tant qu'annonciateurs de la bonne nouvelle et qui avertissent contre le châtiment, la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, pour qu'il n'y ait pas d'argument pour les hommes devant Allah après la venue des messagers. Donc après la venue des messagers, en ce qui concerne le tawhid et le shirk, il n'y a plus d'argument devant Allah. La personne qui commet le shirk est un mushrik. Parmi les preuves de que l'ignorance n'est pas une excuse dans le tawhid, le verset 6 de sourate At-Tawba, wa in ahadu min al-mushrikeen astajaraka fa ajirhu hatta asma'a kalam Allah thumma ablighhu ma'mana, dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun. Et si l'un des mushrikeen te demande le refuge, alors donne-lui refuge jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah, car c'est un peuple qui ne savent pas. On voit dans ce verset qu'Allah l'a nommé mushrik avant qu'il entende la parole d'Allah, donc en toute ignorance. Ça n'a pas empêché Allah de l'appeler mushrik. Donc toute personne qui associe Allah, nous l'appelons mushrik, même si le message ne lui est pas parvenu. Nous avons cité précédemment la parole d'Abu Hanifa, rahimahallahu ta'ala, comme elle a été citée par Al-Kasani Al-Hanafi, fi Bada' al-Sana'a, lorsqu'il a dit, rahimahallah, la udhra li ahadi fi jahlihi ma'rifatu khaliqi, aucune excuse pour celui qui ignore la connaissance de son créateur. Lian al-wajib ala jami' al-khalq ma'rifatu rabbi subhanahu wa ta'ala wa tawhida, car l'obligation pour toute la création c'est de connaître le Seigneur subhana et son unicité, son tawhid, lima yura min khalq al-samawati wal-ard, par ce qu'il voit de la création des cieux de la terre, wa sa'ir ma khalq Allah Ta'ala et tout ce qu'Allah le Très-Haut a créé. Am al-fara'id falam lam ya'lamha wa lam tablughu fa inna hadha lam taqum 'alayhi al-hujjah al-hukmiyya. En ce qui concerne les obligations, celui qui ne les connaît pas et à qui la preuve n'est pas parvenue, celui-là, la preuve n'a pas été établie sur lui. C'est-à-dire que la personne qui le tawhid et le shirk, la personne qui commet le tawhid et le shirk est un mushrik. Par contre, celui qui ignore l'obligation de la salat, ou qui ignore l'interdiction de la zina, ou qui ignore l'interdiction de riba, qui ignore ces choses-là, ou même qui ignore certains noms et attributs d'Allah, il ne sera pas mécréant, même s'il renie l'obligation, tant que la preuve ne lui soit pas parvenue. Parce que c'est des preuves qui nous viennent que par les messagers. On a cité dans les paroles, l'imam al-Qurrafi, al-Maliki, parmi les plus grands savants de l'Usul. Donc nous avons cité les paroles de Abu Hanifa, nous citons les paroles de Savant Malikit Al-Qurrafi qui dit wa qulu ayda wa lidhalika lam ya'dhuru Allah bil jahl fi usul ad-din ijma'a, et à cause de cela Allah n'excuse pas par l'ignorance dans les bases de la religion par à l'unanimité dans son livre Sharh Tanqih al-Fusul. Al-Shafi'i, rahimahullah, dit, comme ça a été cité par Az-Zarkashi dans le Manthour, sur le Qawa'id al-Fiqhiyya, il dit, « Law a'idhar al-jahilu li ahli jahlihi, la kana al-jahlu khayra min al-ilm. » Si l'ignorant est excusé par son ignorance, l'ignorance deviendrait mieux que la science. Ce qui concerne les savants hanbalites, on peut citer la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il donne la définition de l'islam dans son livre Tariq al-Hijratayn, il dit l'islam huwa tawhidullah wa ibadatu wahdahu la sharika la. L'islam c'est l'unicité d'Allah, le fait de l'adorer seul sans associé, wa l'imanu billahi wa bi rasulihi, et le fait d'avoir foi en Allah et en son messager, wa tiba'u fi ma ja'a bihi, le fait de le suivre dans ce avec quoi il est venu, fama lam ya'ti al-'abdu bi hadha fa laysa bi muslim, si le serviteur ne vient pas avec cela il n'est pas musulman, wa lam yakun kafiran mu'adida fa huwa kafirun jahil, et s'il n'est pas un mécréant obstiné, c'est un mécréant ignorant. Tariq al-Hijratayn. Donc on a cité les paroles des ulama des quatre madhhab de manière générale. C'est une question qui ne fait pas une dans laquelle il n'y a pas de divergence parmi les salafs, et la divergence n'est apparue que dans les derniers temps, et actuellement C'est la croyance qui est défendue par certaines personnes pour argumenter pour les mushrikines, comme quoi les mushrikines qui adorent les tombes, ou qui suivent les législations des tawarites, ou même les tawarites qui légifèrent en dehors d'Allah, sont excusés par leur ignorance. On pourrait démontrer en quoi cette croyance est en opposition avec le Coran, la Sunna, l'Ijma et les paroles des Salaf Salih. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Pour finir, nous disons, cette croyance s'oppose clairement au verset d'Allah, les suivants, lorsqu'Allah dit dans Surat An-Nisa 116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et celui qui associe à Allah s'est égaré d'un égarement lointain. Celui qui nous dit que le mushrik est excusé par son ignorance nous dit qu'Allah pardonne qu'on lui associe quoi que ce soit. Inna huma yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Surat al-Ma'idah verset 72. Certes, celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge est l'enfer, et il n'y a pas de secours pour les injustes. Et Allah dit dans Surat Az-Zumar, verset 65, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Si tu associes à Allah, tes œuvres seront vaines et tu seras parmi les perdants. Surat Az-Zumar, le verset 65. Quant à ceux qui nous disent qu'ils sont ignorés par l'ignorance dans le tawhid, alors qu'ils ont les livres de tawhid qui sont imprimés dans toutes les langues et répandus dans toute la dunya, et les gens et les muahidines qui sacrifient leur sang, leur temps, leur argent pour appeler les gens au tawhid et qui parfois finissent au fond des prisons à cause de cela, et que le Coran est imprimé dans tout, et traduit dans toutes les langues, et présent dans toutes les maisons, ou presque. « قال الله تعالى أفلا تدبرون القرآن » Ne médite-t-il pas le Coran ? An-Nisa, verset 82, et le Coran, du début jusqu'à la fin, est un appel au tawhid et une mise en garde contre le shirk. Les gens qui excusent les mushrikines par l'ignorance, et qui donc les considèrent comme des musulmans, ont annulé une partie des règles d'Allah. La première chose, ils ont pris comme alliés les kuffars, alors qu'Allah l'a interdit. Allah a dit, « Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya an istahabba al-kufra 'ala al-iman » At-Tawbah 23. « Ô vous qui croyez, ne prenez pas vos pères, vos frères, comme alliés. » Alliés, c'est-à-dire quoi ? À les aider contre les musulmans ou quoi que ce soit. « S'ils préfèrent la mécréance à la foi. »« Wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun » Et celui qui les prend pour alliés parmi vous, cela est parmi les injustes. Verset 23 de Surat Tawbah. 2. Ils sont mariés avec les mushrikines, puisqu'ils les considèrent comme des musulmans, alors qu'Allah l'a interdit. Le verset 221 de Surat Al-Baqarah. Wala tankihum mushrikati hatta yu'min. Et ne vous mariez pas avec les mushrikates, les idolâtres, jusqu'à ce qu'ils croient. Hein? Et ensuite, Allah il dit dans le même verset. Wala tankihum mushrikina hatta yu'minu. Et ne vous mariez pas avec les mushrikines, jusqu'à ce qu'ils croient. 3. Tawrith al-kuffar al-manihi an. Ils ont fait hériter les mécréants des musulmans, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la harithu muslim ul kafir wa la al kafir ul muslim muttafaqun alayh. Le muslim n'hérite pas du kafir et le kafir n'hérite pas du muslim. Rabi'an akla dhabah al mushrikin allati hiya fi hukm al mitat al muharrama. Quatrièmement, ils ont mangé les sacrifices des mushrikin, même ceux qui étaient sacrifiés pour un autre qu'Allah, car ils les considèrent comme des musulmans. خامساً الصلاة خلفهم. Ils ont prié derrière les mushrikin. ولا تجوز لأن الصلاة من الدين. وقد أمر الله يقال للمشركين لكم دينكم ولي الدين. Et cela n'est pas permis, car la prière fait partie de la religion. Et Allah a dit à propos des mushrikin, à vous votre religion et à moi la mienne. Surat al-Kafirun, verset 6. 6. الصلاة عليهم المحرمة شرعا. Ils ont considéré les mushrikin comme des musulmans. Ils ont prié sur eux lorsqu'ils sont morts. Allah Ta'ala يقول ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas aux prophètes et à ceux qui ont cru de demander pardon pour les mushrikin, même s'ils sont leurs proches, après qu'il leur soit parvenu clairement qu'ils sont des gens de l'enfer. At-Tawbah 113. Et dans le verset 84 de la même sourate, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Et ne prie sur aucun d'entre eux quand il meurt et ne te tiens pas près de sa tombe. إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. Ils ont certes mécru en Allah et en son messager et ils sont morts en étant des fasiqin. Le verset 84 de sourate Tawbah. Ça, c'est les six points qu'ont enfreint ceux qui ne sont pas désavoués des mushrikines et qui ont refusé et qui les ont excusés par l'ignorance en opposition avec le Coran, le Sunna ou l'Ijma. Ensuite, nous pouvons dire, et nous finirons avec cela, لم ينتهج أصحاب هذا الفهم المنحرف المنهج الإسلامي الحركي الصحيح لمواجهة الحياة الجاهلية والمجتمعات المشركة. الذي هو القيام بالدعوة إلى الدخول في دين الله من جديد وتكوين الأمة المسلمة في وسط الجاهلية. Il dit, ceux qui ont appliqué cette compréhension égarée, on n'a pas appliqué la méthodologie islamique authentique pour faire face à la vie de la djahiliya et des sociétés mushrika, qui est le fait d'appeler à rentrer dans la religion d'Allah et de former la communauté musulmane au milieu de la djahiliya. لأنهم يعيشون كما يملي عليهم خيالهم في مجتمع إسلامي, car ils vivent ils se l'imaginent dans une société islamique. لا أحتاج أفراده إلا التعليم والتذكير لرفع مستواهم الثقافي الإسلامي. Les gens de cette société n'ont pour eux besoin que d'un peu d'éducation et de quelques rappels pour élever leur niveau de culture islamique. Complètement faux. Ils doivent appeler ces gens au tawhid et à renier le shirk. Donc même le fahm al-waqa, le fait de comprendre l'état actuel des choses dans ces pays-là, ils sont complètement égarés sur cette voie-là. بينما هم في الحقيقة يعيشون في مجتمع جاهلي يعادي الإسلام ويقصيه من الحياة الاجتماعية والسياسية. Alors qu'en réalité, ils vivent dans une société jahili qui est en inimité envers l'islam et qui l'enlève de la vie sociale et politique. ولا يرضى به دينا ولا بالله ربا ولا حاكما. Et il n'agrée pas sa religion, la religion d'Allah. Et il n'agrée pas Allah ni comme Seigneur ni comme juge. ويسمى الكفر والارتداد تقدما وتحضرا والإيمان والاستقامة جمودا ورجعية ولم يجعل الله له نورا فما له من نور والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.